La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi, troisième moment de notre série d'émissions consacrée à James Baldwin, avec toujours les indispensables Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Tiffaine Malfait et Laurent Travaglichanal, à la réalisation Rafik Zénine, à la console Bruno Gagnère-Fontanille. La vie de James Baldwin, c'est d'abord 28 années troublées avant la publication de son premier roman. 28 années d'une jeunesse marquée par l'oppression que subissent les Noirs américains, ainsi que par la découverte par Baldwin de son homosexualité. Et on pourrait presque rajouter aussi par son choix de dédier sa vie à la littérature, ce qui est loin d'être évident quand on est à Harlem, dans une famille sans argent. Tout cela, nous l'avons vu lundi, c'était avec Virginie Depardieu. Et puis mardi, Samuel Legitimus est venu parler notamment de l'essai qui a rendu Baldwin célèbre de par le monde. La prochaine fois, Le Feu, un texte fort sur la condition des Noirs en Amérique et sur l'Amérique elle-même. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission, comme toutes les autres, en podcast. Enfin, demain, nous nous pencherons sur un autre essai de Baldwin, à la fois politique et autobiographique. Son titre, Chassé de la lumière, ce sera avec Félix Boggio Evangéépé. Et puis en seconde partie de cette émission, nous recevrons la metteuse en scène Élise Vigier, qui a adapté pour le théâtre le roman Harlem Quartet. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour parler du roman de Baldwin, Si Beale Street pouvait parler, nous serons en seconde partie de cette émission avec l'écrivaine Geneviève Brisac, qui l'a récemment préfacé dans sa reparution chez Stock. Et en première partie, nous parlons identité et homosexualité chez Baldwin avec Jean-Paul Rocky, professeur des universités à Paris-Est Marne-la-Vallée, où il enseigne la littérature africaine-américaine du XXe siècle et les écritures de l'identité. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Ils se serrent l'un contre l'autre. Une merveille de joie monte en eux comme une inondation. Une merveille de lumière éclate dans leurs yeux. Un grand espace tout neuf s'ouvre devant eux. Ils n'ont besoin de rien de plus pour le moment. Rien. Tout viendra et ils le savent. Tout. Le lendemain matin, ils sont seuls, l'un et l'autre, pour la première fois. Il leur faut cacher ce secret à tous les autres. C'est étrange, nouveau, et fait même un peu mal, car en vérité, ils voudraient se lever en criant « Hé les mecs, vous savez ce qui est arrivé ?» Ils ne peuvent pas chanter « Alléluia », n'osent pas crier « Hosanna », pourtant, une joie immense et douloureuse leur monte du ventre et des reins. Bonjour Jean-Paul Rocky. Bonjour. On vient d'entendre un extrait de Harlem Quartet lu par Patrick Carl, où il est question des personnages d'Arthur et de Crunch, ces deux hommes qui s'aiment mais dont l'amour ne va pas suffire à empêcher Arthur de sombrer. Pour commencer, est-ce que c'est un livre que vous aimez en particulier ? C'est un livre que j'aime beaucoup. Ça n'est peut-être pas le roman de Baldwin que je préfère. Lequel préférez-vous? Celui que je préfère est très certainement Giovanni's Room, qui a été traduit en français par la chambre de Giovanni. Mais on va en parler justement. La chambre de Giovanni, important pour le sujet d'aujourd'hui. Il y a eu plusieurs traductions. Oui. Et alors, dans Harlem Quartet, il y a, tout comme dans Giovanni's Room, on va en parler, beaucoup de thèmes, et en particulier la question de l'identité qui vous intéresse en particulier, et sans doute même faudrait-il déjà dire, le thème des identités. Je crois que c'est effectivement tout à fait juste de parler d'identité au pluriel, d'une pluralité d'identité. Très certainement, d'abord l'identité noire américaine et l'identité homosexuelle, mais également le travail de Baldwin, tant sur le plan fictionnel que dans son écriture non fictionnelle, est aussi une réflexion sur les identités de genre et particulièrement la masculinité. L'ensemble de ces identités ou de ces affiliations identitaires, parce qu'il y a toujours en fait en question l'idée d'une adhésion, hein, à une proposition, cet ensemble étant à replacer dans le contexte américain. C'est une réflexion sur les identités, la pluralité des identités, d'abord dans le contexte américain. Ça a une pertinence au-delà de ce contexte culturel, mais je crois qu'il faut les regarder dans un premier temps dans ce cadre-là. Alors c'est précisément ce qu'on va faire dans cette émission. Peut-être dire d'abord que on a bien souvent considéré que le romancier de l'homosexualité, qui était Baldwin, finalement était moins intéressant que l'essayiste de l'identité noire, qu'on a toujours considéré comme étant particulièrement brillant. Est-ce que vous comprenez cela ? J'essaye de l'expliquer sans le justifier. Ce qui me semble intéressant dans le regard critique et dans l'évolution du regard critique, c'est aussi l'évolution d'un positionnement politique et le fait que l'appréciation du texte littéraire, de sa dimension esthétique, est aussi une affaire politique. Donc, au moment où Baldwin commence sa carrière en littérature, on veut retenir de lui la voix noire américaine qu'il promet d'être après Richard Wright. Donc la nouvelle voix américaine, une nouvelle façon de parler des absolument, noirs américains. Absolument. Et lorsqu'il publie son deuxième roman Giovanni's Room, il y a là une sorte de déception ou d'étonnement voire de contre-performance selon certains, dans la mesure où il s'exprime sur un terrain où on ne l'attendait pas. Pendant très longtemps, il y a eu cette partition au sein de la critique entre deux formes d'écriture, le roman, forme peu aboutie, on dit considéré en tout cas comme voilà, le terrain de du traitement du thème de l'homosexualité, et puis l'essai considéré comme une forme dans laquelle Baldwin excellait et qui valait pour sa dimension politique. Alors c'est peut-être moins le cas aujourd'hui parce que les thèmes aussi d'intérêt ont bougé dans la critique, et peut-être que si on relit aujourd'hui les romans homosexuels, bien qu'ils ne soient pas que sur cette thématique-là de Baldwin, on a un regard critique qui est différent, Jean-Paul Rocky. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est moins le cas aujourd'hui parce que l'élément nouveau, c'est l'émergence et la consolidation des études gays, lesbiennes et queer, mais c'est aussi le fait que la réflexion sur les littératures dites minoritaires et la façon dont on les apprécie et le regard que l'on porte sur le rapport qu'elles ont aux littératures dites canoniques ou nationales a également aussi progressé. Et que donc la division entre d'un côté la catégorie esthétique et la catégorie politique de l'autre fonctionne plus. Bon. Et en fait, quand on revient au texte de Baldwin, on voit que cette partition n'était pas du tout pertinente et que la dimension homosexuelle ou homoérotique, l'expression de la conscience gay chez Baldwin, elle est également présente dans les essais politiques. Donc pour vous, ou plutôt pour lui, devrait-on dire, il n'y a pas de différence de nature entre la présentation qu'on peut faire d'une vie homosexuelle dans laquelle on est réprimé par la société et d'une vie où c'est la ségrégation raciale qui vous opprime. Cette question de l'identité est unie pour Baldwin, quel que soit le thème, le sujet abordé. Il y a certainement des différences de contexte, d'espace, d'occasion où les identités s'expriment. Il n'y a pas, à mon sens, dans la lecture que je fais du texte baldwinien, de division et de séparation hermétique entre les façons d'habiter des identités. Et ce qui fait la jonction entre l'expression de l'identité noire américaine et celle de l'homosexualité, c'est la masculinité. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de James Baldwin avec vous, Jean-Paul Rocky. Alors ce thème de la masculinité, en quoi finalement est-il le nœud pour vous de la problématique de l'identité chez Baldwin ? Parce que le contexte de l'oppression raciale aux États-Unis est un contexte hautement sexualisé. Donc on peut pas ou on peut difficilement réfléchir à la question raciale aux États-Unis sans réfléchir également à la façon dont cette oppression s'est construite par la sexualisation des rapports de genre. Alors dans quel sens ? Dans le sens où au travers de l'esclavage, puis de la ségrégation, puis parce que il y a ce continuum extrêmement important d'une violence instituée. Donc après la ségrégation, du racisme institutionnalisé qui s'exprime aussi sur le plan judiciaire, sur la politique carcérale, certains des points de capitons très importants de cette oppression raciale ont concerné l'image de l'homme noir d'un côté et de l'autre côté, en complément, l'oppression du corps féminin. Oui. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin, du coup, et peut-être plus précisément dans ces images, pour qu'on se rende vraiment bien compte de ce que vous voulez dire, Jean-Paul Rocky ? Eh bien, par exemple, le troisième roman de James Baldwin, Another Country, qui a été publié en 1963, s'ouvre sur le suicide de Rufus Scott, qui se jette du pont George Washington. Et c'est une des images très importantes d'une masculinité noire blessée jusqu'à la mort. Une autre image très importante est celle de la victime qui n'a pas de nom, le supplicié noir, victime d'un lynchage dans la nouvelle Going to Meet the Man, publiée en 1965, face à l'homme blanc. Et toutes ces représentations de masculinité noire sont aussi l'occasion pour Baldwin de dépeindre une forme de haine très érotisée, une sorte de mot érotique de la haine qui est une des expressions privilégiées selon lui du racisme américain. Alors comment les personnages homosexuels viennent-ils s'insérer rentrer là-dedans, est-ce que c'est par peur, comme on dit parfois, de l'homme blanc dominant, enfin de l'homme hétérosexuel dominant en général, de l'homosexualité, que cela vient s'imbriquer, selon vous, Jean-Paul Rocky? Alors ça s'imbrique, mais les images de référence sont souvent des figures familiales. Le frère, le père, comme c'est le cas dans Just Above My Head, Harlem Quartet, mais aussi dans Tell Me How Long the Train's Been Gone, et dans les premiers romans de Baldwin. Et même alors, dans certains essais, Notes of a Native Son, par exemple, où le père est très présent, et vous dites qu'il y a une sexualisation des rapports précisément entre les parents et les enfants. Absolument, dans cet essai très important, un des plus beaux de Baldwin, Notes of a Native Son, publié en 1955. Baldwin fait face à la dépouille de son père, et c'est l'occasion d'une remémoration de son enfance et de l'amertume que son père a nourri à cause de ce racisme dont ils ont souffert. Et se pose à lui le choix, vous en parliez tout à l'heure, d'embrasser une carrière de pasteur comme son père adoptif, ou d'entrer en littérature comme on entre en religion. Il y a là un moment aussi de très grande force homoérotique filiale entre le père et le fils dans le regard du fils. Devenu écrivain, et c'est quelque chose qu'on retrouvait déjà dans le premier roman de Baldwin, Go Tell It on the Mountain, récemment publié sous le titre de La Conversion, où il y a aussi cette force du désir homoérotique entre père et fils. Alors le désir homoérotique, il est surtout présent dans La Chambre de Giovanni. Je vous propose d'entendre un extrait de ce roman. Que faisait-il ici? Absolument aucune espèce de rapport avec les combats nécessaires que vous livrent les femmes. Il aurait déjà pénétré en elle, dans cette femme qui n'était pas là, dont les soupirs eussent été différents et dont l'abandon n'aurait jamais été total. Quelle impression cela faisait-il d'être un homme condamné aux hommes? Il ne parvenait pas à l'imaginer et il éprouva une vive répulsion, vite réprimée, car elle menaçait son plaisir. Mais à ce moment même, son excitation s'accrut. Il sentit qu'il pouvait faire avec Eric tout ce qu'il voulait. Maintenant, Vivaldo, qui était habitué à peiner, à être celui qui donnait, à obtenir son plaisir de la volupté d'une femme, s'abandonner au luxe, à la torpeur flamboyante de la passivité. Et il chuchota à l'oreille d'Éric une prière ardente et étouffée. Le rêve vacilla au bord du cauchemar. Quel âge avait ce rite, cet acte d'amour? Quelle était sa profondeur? Il avait l'impression d'être précipité dans un gouffre et de flotter dans un air inexorable qui le soutenait comme l'eau de la mer soutient le nageur. Il lui semblait voir des profondeurs vastes et horribles au fond de son cœur. Ce cœur qui contenait toutes les possibilités qu'il pouvait nommer et encore bien d'autres qu'il ne pouvait pas nommer. La compagnie des auteurs avec cet extrait d'un autre pays et non pas comme je l'ai annoncé de La Chambre de Giovanni, mais on peut peut-être retrouver une couleur tout de même commune. Jean-Paul Rocky, qu'est-ce que vous retenez de cet extrait? Alors justement, la couleur puisqu'on en parle. Alors, ça a été dans le traitement de l'homosexualité dans les romans de Baldwin, précisément une question très débattu. Donc là, par exemple, la scène représentant Eric et Vivaldo, et dans Giovanni's Room, la caractéristique de Giovanni's Room, c'est qu'il n'y a que des personnages blancs. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Donc, ce qui avait beaucoup choqué quand même à l'époque. Voilà, et il a fallu attendre des romans comme Just Above My Head, Harlem Quartet, pour qu'il y ait une représentation pleine et entière d'une persona noire et homosexuelle. Et comment vous l'expliquez ça alors ? Et pas seulement homo-érotique. Ben, je crois que on peut, en replaçant les choses dans le contexte, qui est que il y avait une difficulté politique à représenter l'homosexualité noire masculine. Ça a été fait avant, pendant la période de la Renaissance de Harlem, mm-hmm. Avec des auteurs comme Richard Bruce Nugent. Mais là, au plus fort du mouvement des droits civiques, où des figures comme Baldwin, mais aussi d'autres homosexuels notoires comme Bayard Rustin, pouvaient être mis en marge du mouvement de la revendication, précisément parce qu'on estimait que leur homosexualité représentait une menace à la revendication politique noire américaine. Et c'est là aussi où c'est important, parce que ce que Baldwin propose, c'est de précisément de dénouer la dimension, l'articulation de la dimension raciale et de la dimension sexuelle. Et selon lui, si on le fait pas, y compris sur un plan politique, on se retrouvera face à une aporie. Et c'est là où c'est très intéressant, parce que justement, il y a un mélange des différentes identités qui est très queer, à une époque où le queer, ça n'existe pas encore en tant que tel, parce que c'est quand même un courant qui va émerger plus tard dans l'université américaine. Donc, on a là un précurseur qui ne sait pas qu'il est un précurseur. Je crois que, alors, comme très souvent, en fait, la littérature précède et anticipe les inventions ou les réinventions de l'université, et le queer est incarné avant que ça ne devienne un courant critique. Ce qui est queer chez Baldwin, c'est une conception de l'identité qui est totalement labile, instable, qui change, qui veut se jouer des oppositions. Noir, blanc, masculin, féminin, hétéro, homo. Et je crois que ça, c'est une véritable force dans son œuvre. Ce qui lui a aussi valu très certainement une forme de hostilité. Pas être apprécié, je pense, à sa juste valeur. Alors, vous parlez même d'homotextualité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Et vous dites aussi que cette homotextualité, on peut même la retrouver chez un Melville, chez un Henry James. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, pour ce qui est de cette notion à partir de Baldwin, parce que le queer dont vous parliez, il travaille aussi le texte, par exemple de Melville ou de James. Mais ce qui m'intéresse en fait sur un plan critique, c'est de voir comment le texte littéraire peut se présenter comme un théâtre où se joue et se rejoue les enjeux de pouvoir hors le texte, extra-textuel, et la façon dont ça intègre le lecteur par le biais de l'identification, du fantasme, du processus de lecture. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très très prégnant dans Baldwin et très intéressant sur un plan critique. Alors vous citez Judith Butler en rappelant qu'elle est née l'année de la publication de La Chambre de Giovanni. On n'a pas dit tout à l'heure exactement ce qui était le cœur de cette histoire, La Chambre de Giovanni. On n'a pas dit que c'était un roman qui racontait les histoires d'amour tourmentées et douloureuse d'un jeune Américain à Paris dans les années 50, que Baldwin y décrit le trouble émotionnel de David qui est déchiré entre Giovanni et Ella, et que donc ce jeune Américain, David, parcourt le gay Paris des années 50. Sur justement La Chambre de Giovanni, on a le sentiment qu'il ne se contente pas de mettre l'homosexualité et l'identité noire en parallèle. On a l'impression, comme vous avez commencé de le dire tout à l'heure, que c'est vraiment l'Amérique qui est au cœur de ce roman, comme de beaucoup d'œuvres de Baldwin. Encore une fois, ça a été écrit à Paris, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a sans doute une raison. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Amérique qui est un nœud, un point d'abcès, de fixation particulier chez Baldwin, de ce point de vue-là, hein? Je pense que pour Baldwin, c'est le puritanisme américain qui est à l'origine de cet abcès. Et c'est une culture puritaine qui non seulement détermine le rapport à la sexualité, particulièrement l'homosexualité, mais qui a aussi une acception raciale. Et dans d'autres textes de Baldwin, comme le feu la prochaine fois, The Fire Next Time, Baldwin revient sur la façon dont la religion puritaine a pu lier péché et identité noire américaine. Et je crois que c'est vraiment l'horizon culturel que Baldwin a en tête, oui. quand il décrit en fait cette sexualité tourmentée, ces identités qui ont du mal à s'exprimer et qui justifient, dans le cas de David, un exil, sans qu'il ne soit d'ailleurs possible pour lui véritablement de s'émanciper de ce carcan. Donc ce serait ça l'identité américaine, ce puritanisme? C'est peut-être pas l'identité, mais c'est le fond, et c'est du moins ce qui conduit dans la pensée de Baldwin à une forme idéalisée de la masculinité blanche américaine. C'est pas pareil en Europe? Alors ça c'est son regard. Je pense que on peut faire des parallèles, mais il y a cette dimension culturelle particulière américaine et le fait que ça aussi, que c'est un cadre qui a déterminé l'évolution de deux communautés l'une par rapport à l'autre cette idéalisation de la masculinité blanche américaine avec ses racines religieuses et puritaines conduit aussi à une déshumanisation de l'homme noir qui va jusqu'à l'abstraction en fait, oui. Jusqu'à l'effacement de l'homme noir. C'est la lecture que Baldwin fait. Et c'est ce contre quoi il écrit. Or vous expliquez, et on terminera par là, que finalement pour dépasser la loi culturelle des binarismes, les blancs, les noirs, les hommes, les femmes, les homosexuels, les hétérosexuels, ce qu'il faut faire c'est toucher, c'est-à-dire parvenir à un niveau qui est un niveau de l'émotion et qui est peut-être le niveau de la littérature plutôt que le niveau de l'explication, de la sociologie, du militantisme. Et c'est là où il est peut-être d'abord un écrivain, Baldwin, ce qu'on a tendance à oublier, non ? Je crois que c'est la force de son écriture. Ça n'est pas une force qui diminue la puissance de la pensée, mais c'est la force d'une expression littéraire et artistique qui mise effectivement sur l'affectivité. Et qui vise à la réconciliation chez le lecteur du désir et de la conscience. Merci beaucoup Jean-Paul Rocky pour cette analyse de la thématique de la sexualité et de l'identité chez Baldwin. Je rappelle que vous avez consacré votre thèse soutenue en 2001 à l'écriture et l'identité chez cet écrivain. Vous avez par la suite écrit de nombreux articles à son propos. Dans quelques instants, nous allons retrouver Geneviève Brisac qui va nous parler de littérature aussi chez Baldwin et puis en particulier de son roman « Si Bill Street pouvait parler ». Mais tout de suite, c'est le moment d'En Compagnie des Revues. La Compagnie des Auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En Compagnie des Revues et en compagnie d'Alexis Broca, du nouveau magazine littéraire. Bonjour Alexis. Un petit mot sur Baldwin, c'est un écrivain que vous connaissez un petit peu? Non, hélas, je ne connais pas très bien Baldwin. Je vois son nom ressurgir dans de nombreux articles, notamment sous la plume d'Alain Mabankou assez récemment. Il est difficile de parler d'un auteur qu'on n'a pas lu, sinon de dire que... Bah, on a envie de le lire. On a envie de le lire, et puis en le voyant cité comme ça si souvent à travers des auteurs, on voit bien qu'il fait partie de ces gens qui ont construit le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, tente à sortir, j'espère, du puritanisme que vous évoquiez tout à l'heure. Voilà. Alors, ce dont vous allez nous parler, ça n'a rien à voir, c'est de pop culture, parce que vous êtes de nouveau pop culture dans le nouveau magazine littéraire. Oui, c'est une des inflexions nouvelles que nous avons apportées en changeant de ligne éditoriale. Nous essayons aux cultural studies, à notre échelle, c'est-à-dire que nous essayons à analyser de façon sérieuse, référencée, des œuvres de culture populaire qui nous semblent s'y prêter. Ce mois-ci, par exemple, nous avons un article sur Gaston Lagaffe, qui, vous le savez, fait l'objet d'un film, mais aussi de nombreuses rééditions, et un article du romancier Stéphane Audguy, qui s'intéresse au Shadok, les enfants de Jacques Roussel, qui, vous rendez-vous compte, Mathieu, il pompe depuis 50 ans. Oui, ça fait beaucoup. Il méritait bien un article, oui. Voilà. En fait, alors, pour Gaston, nous, on s'est demandé simplement, on sent bien lorsqu'on lit les albums de Gaston qu'il y a des thèmes qui reviennent régulièrement. On y voit souvent des animaux. Gaston s'y montre en inventeur qui trouve généralement ce qu'il ne cherchait pas. On voit des constantes et on s'est demandé s'il n'y avait pas une forme de philosophie, une forme de pensée lagaffienne qu'on pouvait tirer de cela. Et effectivement, on a trouvé des petites choses. Il nous semble, par exemple, que Gaston préfigure l'antispécisme. Ah, lui, antispéciste. Il est antispécisme, on peut le dire carrément. Mais enfin... Vous avez lu les albums, vous savez qu'il y a beaucoup d'animaux chez Gaston. Outre la mouette rieuse et le chat dingue, on y trouve un homard, que Fantasio confond d'ailleurs un jour avec son téléphone. Oui, ça, c'est pas très antispéciste. Non, c'est pas très antispéciste, c'est vrai. On y trouve des baleines qui sont merveilleusement dessinées et pour lesquelles Gaston se bat. On y trouve un poisson nommé Bubule. Et avec eux, tous ces animaux, Gaston ne se comporte pas en maître et possesseur de la nature. Au contraire, il traite ses animaux en égaux. Notamment, je pense à cette scène, enfin cette case où il double les couloirs de la rédaction de Spirou de tout un réseau d'aquariums pour permettre au poisson rouge Bubule donc de circuler comme nous. Les humains. Il y a aussi cette autre planche où il inonde les escaliers de Spirou, toujours, pour que Bubule puisse vivre une vie de saumon. Oui, c'est bien normal. Donc, on voit bien qu'il cherche le bien-être de ces animaux. Puis, il y a ce côté aussi post-patriarcal chez Gaston. Vous savez, un des éléments du comique de Gaston, c'est son idylle avec Mademoiselle Jeanne. Mademoiselle Jeanne aime Gaston, elle le veut, et lui, l'innocent, il ne voit rien. Quand Gaston déshabille Mademoiselle Jeanne, c'est parce que Gaston porte un cactus et que Mademoiselle Jeanne porte une robe légère. On dirait que Gaston n'a jamais entendu parler du libéralisme sexuel welbeckien, qu'il échappe à toutes les pulsions ordinaires, et en même temps, il arrive que Gaston s'endorme, qu'il rêve, et dans ses rêves, ce qu'il arrive quand on rêve, c'est-à-dire que le refoulé remonte, et Gaston s'imagine dans l'espace avec Mademoiselle Jeanne, sur une île avec Mademoiselle Jeanne, et ses rêves se terminent toujours par la construction d'un nid, et la case s'arrête opportunément. Voilà. Il y a un tas de richesses à tirer de Gaston, bien sûr, mais pas les épuiser, ça serait dommage. Ben oui, parce que ça, il faut que les auditeurs quand même aillent se procurer le nouveau magazine littéraire. Un mot quand même de Stéphane Audguy qui s'intéresse donc au Shaddock, hein, vous l'avez annoncé. Oui, les Shaddock, vous le savez, ce sont ces drôles d'oiseaux sans ailes qui ont quatre mots à leur vocabulaire, ga, bu, zo, me. Oui. Les Shaddock, c'est un peu le Ubu de la télévision, c'est un peu l'équivalent pour la télévision de ce que Ubu était pour le théâtre. Et alors Audguy, l'article est très intéressant, et Audguy rappelle quelque chose d'assez révélateur à mon avis. Il se trouve que les Shaddock viennent d'une invention qui avait été produite par les laboratoires de l'ORTF, qui s'appelle, si je me souviens bien, l'animographe. Mm-hmm. L'animographe, c'était un appareil qui permettait de faire des animations pas très réussies, un peu saccadées, bref, un appareil qui ne servait absolument à rien. Et il a donc lui fallu... Ne critiquez pas trop l'ORTF ici, quand même. C'est vrai, mais il a quand même fallu trouver une justification à l'invention de cet appareil, à l'existence de cet appareil, et cette justification, ça a été les Shaddock. Vous voyez, ça, c'est les inventions voilà. Se trouvent de cette façon-là. La pompe a été inventée avant le Shaddock, c'est mm-hmm. la pompe qui crée le Shaddock. Bon, voilà. Je suis content que les Shaddock et la pompe aient été inventés ici. Enfin... en effet. Enfin, avant ici. Hein. Avant ici, bien sûr. Merci Alexis Broca, tout cela et bien plus encore à découvrir dans les colonnes du nouveau magazine littéraire. C'est sur France Culture et nous parlons de l'écrivain et essayiste américain James Baldwin avec à présent Geneviève Brisac qui vient de publier un roman, Le Chagrin d'aimer. C'est aux éditions Grasset, c'est un roman consacré à sa mère, tandis que son précédent roman, Vie de ma voisine, a été réédité dans la collection Point Seuil. Mais c'est pour évoquer James Baldwin que nous l'invitons aujourd'hui, car elle a préfacé il y a quelques mois son roman à James Baldwin intitulé « Si Beale Street pouvait parler ». En voici un extrait. Stay on the battlefield. I'm gonna stay on the battlefield. Alors mon père était étendu sur ce lit, tout nu, avec sa queue qui devenait de plus en plus dure, et il disait: m'est avis qu'il serait peut-être temps que ce soit le Seigneur qui me donne sa vie. Et elle: oh, Franck, laisse-moi te conduire jusqu'au Seigneur. Et lui: merde, femme, je m'en vais conduire le Seigneur jusqu'à toi. Je suis le Seigneur. Alors elle se mettait à pleurer et elle gémissait: Seigneur, aide-moi à sauver cet homme. Tu me l'as donné et je suis impuissante. Oh, Seigneur, aide-moi. Et lui: le Seigneur va t'aider, mon chou, dès que tu seras redevenu un petit enfant tout nu. Viens, approche-toi du Seigneur. Quand il l'avait déshabillée, il s'allongeait sur elle, et elle continuait de crier: Jésus, aide-moi, Seigneur. Et mon père disait: tu l'as maintenant, le Seigneur. Où veux-tu sa bénédiction? Est-ce que ça te fait mal? Où veux-tu que les mains du Seigneur te touchent, ici ou là? Où c'est que tu veux sa langue? Où veux-tu qu'il te pénètre, sale idiot putain noir? Salope! Salope! Salope! Extrait donc de Si Beale Street pouvait parler, lu par Pascal Nzonzi. Bonjour Geneviève Brisac. Bonjour. Mathieu. Vous vous souvenez bien sûr de ce passage du livre. Oui. Peut-être pouvez-vous nous le resituer? Oui, c'est les parents. Donc c'est une évocation d'activité sexuelle des parents De la narratrice. De Tiche. Oui, de Tiche. Et donc, c'est un jeu, évidemment, et c'est un jeu entre eux, un jeu sexuel, mais c'est aussi un jeu avec la religion, comme toujours chez Baldwin. Oui, c'est des parents assez intéressants, assez sympathiques, quand même. Joseph et Sharon. Oui. Et puis, évidemment, c'est une façon de pécher, mais de pécher dans la foi. Et quand on pêche dans la foi, c'est pas vraiment péché. Ou le contraire, je sais pas, moins formel que vous. C'est... Bon. Alors, l'histoire de Sybil Sweet pouvait parler, c'est une jeune fille de Harlem qui s'appelle donc Tiche, hein, vous venez de le dire, et son petit ami Fonny qui a été jeté en prison. Ce sont des pseudonymes. Oui, et ça c'est très intéressant, et d'ailleurs on retrouve ça dans beaucoup de livres de James Baldwin, et c'est un écho à tout ce qu'on vient de dire, je crois, dans la première partie de l'émission, ce que vous disiez Jean-Paul, sur les identités superposés, troubles, c'est-à-dire que quand les gens ont plusieurs noms, il faut se méfier en général. Hein. Et là, Tiche s'appelle en fait Clem, mais elle s'appelle Clémentine, et Fonny ne s'appelle pas du tout Fonny, il s'appelle Alonzo. Mm-hmm. Alonzo Hunt, bah, il s'appelle Rivers. C'est ça. Donc Alonzo a été injustement accusé de viol par une jeune portoricaine. Il est donc arrêté, battu, emprisonné, et c'est un roman aux allures limpides et innocentes que vous nous décrivez, Geneviève Brisac. Oui, on l'a bien montré par ce premier extrait. Alors expliquez-vous. C'est une histoire qui a presque des allures de conte, en fait, puisqu'on a un jeune homme et une jeune fille qu'on appelle Roméo et Juliette dans le quartier, qui sont copains et amis depuis toujours, qui ne sont pas au courant du fait qu'ils sont amoureux. Alors, il faut dire que le livre est entièrement raconté par Tiche. Donc, c'est une voix féminine qu'il raconte, et je trouve que c'est important. C'est important que Baldwin ose faire ça. Ouais. Et c'est une voix féminine frêle, c'est une voix féminine forte, mais en même temps très effrayée, comme Baldwin, qui est un homme, je trouve, un écrivain, un artiste et un homme à la fois incroyablement brave et incroyablement terrifié. Et les deux mouvements vont ensemble, et Tiche et Fonny sont aussi comme ça, tous les deux. Donc ça rejoint un petit peu ce que disait Jean-Paul Rocky en première partie. Exactement, exactement. Alors le roman entrelace ce qui est en train de leur arriver, c'est-à-dire cette accusation prodigieusement injuste par un flic raciste, abusif et violent, qui d'ailleurs a ce regard sexualisé que vous évoquiez tout à l'heure, et qui menace donc le jeune Fonny. Et pour des raisons, c'est compliqué, on va pas revenir en fait. Mais au départ, on a les deux familles, celle de Clément de Tiche et celle de Fonny, qui sont deux familles de Harlem, très très différentes, très très opposées. Et je trouve que c'est très intéressant cette description de ces deux familles noires-américaines, extrêmement contrastées. Et donc la famille de Fonny, c'est sa mère qui est Mrs. Hunt, qui est très très puritaine, très religieuse, très raide, et qui accorde une énorme importance aux manières, à la façon dont on est habillé, qui pense tout le temps aux vêtements, avec ses deux filles qui sont exactement comme elle. Et là, on est presque dans un dessin animé. Et ça ressemble aussi aux nouvelles de Flannery O'Connor, hein, cette façon satirique de décrire cette famille, avec un père assez largué, et même complètement largué, Frank. Et puis de l'autre côté, il y a la famille de Fonny Rivers, c'est-à-dire une mère qui est Sharon et un père Joseph, qu'on a entendu faire l'amour tout à l'heure, qui sont extraordinairement sympathiques et drôles. Et heureusement qu'ils le sont. Il va falloir l'être, notamment au moment où un bébé arrive, puisque alors que Fonny est en prison, Tiche lui annonce qu'elle est enceinte. Voilà. Et c'est très très beau. C'est une scène. D'ailleurs, tout ce qui tourne autour de la grossesse de Tiche est incroyablement senti, sensuel et bouleversant. Moi, à un moment donné, je me suis mise à pleurer carrément, tellement c'est quand il y a cette espèce de soirée où toute la famille se réunit pour qu'elle annonce qu'elle est enceinte, c'est ravissant. Et vous voyez justement là un rapport très particulier de Baldwin avec les enfants, oui, avec les petits bébés. J'avais retrouvé une page magnifique où il dit qu'il n'y a rien de mieux que les bébés. J'ai retrouvé les mots exacts, c'est toujours mieux que les mots indirects. Un nouveau-né, c'est un événement extraordinaire. Je n'ai jamais vu deux bébés qui aient la moindre ressemblance physique ou même vocale. Regardez ce miracle de chair avec son crâne plus fragile qu'un œuf. Ce miracle Dieu de jambes, d'orteils et surtout de poumons. Et puis bientôt, il découvre qu'il vous a, vous. Et puis il a décidé de vivre, il vous adresse un sourire édenté, il roucoule, il gigote. Vous savez, quand il est furieux, quand il s'ennuie, quand il a peur, quand il souffre, là où je suis née, vous veillez sur lui, même dans votre sommeil. Car les rats adorent l'odeur des nouveau-nés et sont bien plus gros qu'eux. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Sybil Street, pouvez parler avec vous Geneviève Brisac. On parle des bébés, mais il faut aussi faire un petit détour biographique par les années 20, parce qu'on a l'impression quand même que James Baldwin raconte l'atmosphère de Harlem de quand il était petit. Et puis, c'est vrai que même si c'est une voix qui est une voix féminine, et qui est d'ailleurs subtilement féminine, c'est en effet la voix de Baldwin. Alors, il faut rappeler que le petit James a eu une ribambelle de frères et sœurs, je ne sais plus combien il y en a, 8 ou 9. Ouais. De toute façon, il n'a pratiquement jamais vu sa mère, parce que dès qu'elle rentrait, elle repartait à la maternité. Et évidemment, comme elle était tout le temps épuisée et en train d'accoucher, évidemment, c'est lui qui s'est beaucoup occupé des bébés. Et là aussi, on a une rupture. C'est pas si fréquent, les écrivains. Moi, j'en connais pas tant que ça, des hommes écrivains, qu'ils soient noirs ou blancs, qui parlent aussi bien des bébés, de leur rapport au corps des bébés et de l'émotion que leur procurent les bébés ou la grossesse. C'est-à-dire que ces pages-là sont vraiment, parce que on parlait de l'homoérotique, mais il y a aussi une féminité incroyable de James Baldwin. Et il y a une page dans Sybil Street, pouvait parler, qui est très très intéressante, où il parle de l'imagination. Et il dit que justement, l'imagination, c'est sur les hommes et les femmes, hein, l'amour des hommes et des femmes. Et il compare l'imagination que les femmes doivent déployer pour se faire aimer des hommes et l'absence d'imagination qu'ont la plupart du temps les hommes. Et il explique que, mais justement, il y a des hommes qui développent leur imagination et que malheureusement, ça peut les rendre efféminés. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est aussi très queer, hein, comme on le disait en première partie avec Jean-Paul Rocky. Je ne sais pas, c'est plus... Enfin, je ne connais pas très bien la théorie queer, donc je ne m'avancerai pas, je ne prendrai pas trop de risques sur ce terrain. Mais je trouve que c'est plus... Dans la théorie queer, pour ce que j'en perçois, il y a parfois certaines raideurs, c'est-à-dire on est un peu obligé d'être comme ci ou comme ça, et même on est obligé d'être différent, par exemple. Alors, ce qui est formidable dans ce roman, c'est que c'est la douceur. Mm-hmm. C'est la douceur qui... La douceur de la fluidité, finalement, et d'une fluidité qui n'est pas forcément revendiquée, mais qui est vécue de manière le plus simple possible. Et qui est anti-assignation, effectivement, mais anti-assignation d'une manière individuelle, comme si, pour reprendre la formule de Virginia Woolf, qui, je trouve, va très bien à James Baldwin, le plus important, c'est de réussir à être soi-même, et le plus difficile. Et on sent que lui, il a fait cet énorme chemin pour ça, et il en fait cadeau à ses lecteurs. Alors, il y a un certain nombre de petits détails que vous racontez dans votre préface et qui nous rendent James Baldwin très proche. C'est comme, par exemple, quand il est petit et qu'il voit sa mère jouer avec un petit morceau de velours, Geneviève Brisac. Oui, alors... Comme les enfants, il essaye de comprendre le monde, enfin comme on essaye tous de le faire jusqu'au jour de notre mort, si on est réveillé. Et donc il voit sa mère toucher et caresser ce petit morceau de velours que je suppose noir. Et elle dit, alors ça c'est une idée. Et donc il comprend qu'une idée, c'est un petit morceau de velours noir. Et le contraire aussi. Voilà. Ça c'est formidable. C'est ça être un écrivain ou un futur écrivain. Exactement. Pour vous, en tous les cas, Geneviève Brisac. Évidemment, on l'a déjà dit, il y a une part d'autobiographie qui est importante. Notamment, il y a la présence un peu de son ami Troy Maynard, qui a été accusé injustement du meurtre de Marine, Michael Crowell. Et on retrouve cette injustice dans l'histoire de Si Beale Street. Donc il y a un côté, une façon de venger son ami. Je crois. Oui, je crois qu'il y a de cela. Il me semble que, comme la plupart des écrivains, ou même peut-être tous, effectivement, James Baldwin réinvestit non seulement des faits de sa vie, mais aussi des émotions de sa vie, et aussi la culpabilité de sa vie, qui est évidemment quelque chose de très fort, et qu'on... Parce que c'est une chose d'être soi-même, c'en est une autre de réussir à ne pas en être coupable. Et donc, ce ami, Tony Maynard, qui a été aussi son garde du corps, etc., s'est fait arrêter, accusé, est en prison. Il va partir le voir, essayer de le faire libérer. Et on retrouve effectivement tout ça dans Si Beale Street. Plus ce personnage incroyablement extraordinaire, qui est celui du flic blanc, raciste, ouais, et taré, qu'il décrit incroyablement bien comme un objet de terreur, qu'on retrouve dans tellement de films aussi américains, c'est-à-dire cette incarnation du pouvoir absolu et de la stupidité. Parce que je pense qu'il y a aussi ça chez M. Bonin qui est vraiment, que moi j'aime beaucoup, c'est que ce qui l'intéresse, c'est les gens intelligents. C'est l'intelligence tout le temps. L'intelligence dans le roman de Tish, qui est extraordinairement intelligente, de sa sœur Ernestine, qui est extraordinairement intelligente. C'est l'intelligence sous toutes ses formes. Et face à l'intelligence, qui n'est pas toujours la plus forte, loin de là, il y a la connerie. La connerie méchante et cruelle qui souvent est plus forte. Alors, autre injection de la réalité dans le roman, c'est que le personnage de Fonny, donc, qui est mis en prison, fait beaucoup penser, puisqu'il est sculpteur, au peintre Beaufort Delaney, qui a été quelqu'un de très très important, oui, qui a été dans la formation de James Baldwin. Bien sûr, son amour, son admiration, avant d'être remplacé par quelques autres. Et c'est très très beau cette affaire de sculpture. Hein. Parce qu'en fait, donc Fonny, à un moment donné, comprend qu'il est un artiste, ce qu'il n'a pas tout de suite évidemment compris, et il décide donc de sculpter le bois et la pierre. Hein. Et dans ses rêves, parce qu'il y a beaucoup de rêves, et quand on est en prison, c'est quand même une des ressources majeures qu'on a, et il parle très bien de la prison, très très bien, et dans ses rêves, il sculpte tout le temps. Et leur amour, Tish et lui, est d'ailleurs largement structuré par cette activité de sculpteur, et là aussi, c'est très beau. Vous racontez aussi un récit qu'a écrit James Baldwin, qui s'appelle Le Costume. Alors là, on n'est plus dans Si Beale Street, vous pouvez parler, mais on est toujours dans votre préface. Il faut quand même que vous nous racontiez cette histoire, oui, qui est une métaphore de beaucoup de choses. Absolument. C'est-à-dire que, surtout, ça rappelle quelque chose dont on n'a pas encore, enfin moi en tout cas, je n'ai pas tellement parlé, qui est que Si Beale Street pouvait parler est un livre qui vient remplacer un autre livre, qui donnera lieu ensuite à I Am Not Your Negro. Et la phrase I Am Not Your Negro se trouve dans Si Beale Street, vous avez parlé, ce qui est assez drôle, elle est écrite quoi, dedans, comme un « je ne suis pas votre nègre, je ne le serai jamais, je ne veux ni ne peux l'être ». Et donc, le livre qu'il voulait écrire, c'était un livre de vengeance après les meurtres de Malcolm X. De ses trois amis, voilà. Qui voulait appeler « Remember this house ». Exactement, oui. Souviens-toi, c'est... Remember this house, ça fait un peu écho à ce « range ta maison », je trouve. C'est assez intéressant. Et donc, l'histoire du costume est la suivante. Il se fait faire un costume, encore le tailleur, le morceau de velours, etc., etc. Il se fait faire un costume, et Truman Capote, qu'on voit effectivement passer comme ça, imaginairement, il se fait un costume pour l'enterrement de Martin Luther King. Et il dit « je l'ai fait faire pour cette cérémonie épouvantable, je ne le remettrai jamais ». Oui. Il le dit à la radio, je pense, c'est sûr même d'ailleurs, et un ancien camarade de classe à lui, qui n'a pas eu sa réussite, parce qu'à cette époque-là, il est déjà un homme célèbre, lui écrit pour lui dire, écoute mon pote, si tu veux plus du costume, moi je le prends, et on a toujours eu la même taille, donc, il pourrait discerner l'agressivité qui est dans le propos, mais il ne le fait pas justement parce qu'il est bien trop kafkaïen, coupable pour ça. Et donc, il prend sa plus belle voiture et il va chez le copain. Mmh. Et donc, c'est très éprouvant parce qu'il traverse tous les quartiers pauvres qu'il a fort bien connus dans sa trop belle voiture et il se sent extraordinairement mal. Et quand il arrive avec son costume chez son ancien ami, évidemment, il n'est pas du tout accueilli avec l'affection dont il est tellement assoiffé fondamentalement, mais au contraire avec l'hostilité de celui qui va prendre le cadeau, mais avec toute la méchanceté qui va avec. Mmh. Et je trouve cette histoire très très belle, très très vraie. Et très Baldwinienne dans le sens où effectivement cette trahison permanente d'être toujours défini aussi l'artiste, hein. C'est-à-dire que de toute façon, il est traître à son groupe, à son genre, à sa classe, à son pays, à tout. Merci beaucoup Geneviève Brisac, on terminera là-dessus. Je rappelle que vous avez donc préfacé cette nouvelle parution de Sibyl Street Pouvait Parler, c'est chez Stock, ça a paru en 2017, et puis votre dernier roman, il vient de paraître, il s'appelle Le Chagrin d'Amour, et c'est aux éditions, pardon, Le Chagrin d'Aimer, et c'est aux éditions Grasset. Demain, nous poursuivrons notre exploration de l'œuvre de James Baldwin en évoquant son essai « Chassé de la lumière ». Ce sera avec Félix Boggio Evangepe. Et puis en seconde partie, je recevrai Élise Vigier qui viendra nous parler de l'adaptation qu'elle a faite au théâtre du livre de Baldwin « Harlem Quartet ». Mais tout de suite, sur France Culture, c'est le retour de la poésie. Et c'est comme chaque jour avec Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Colloque des télépathes nous met en conversation avec les esprits par l'intermédiaire des sœurs Fox. À la page 80, nous ouvrons le salon des bizarreries. Certaines femmes aiment faire du bruit, manier mixeur et vaisselle sans douceur. Elles deviennent des épouses ou des potiches à concasser. La forêt dense recèle des psychés plus retorses, spécimens de femmes, que les hommes brûlent encore avec des phrases. Enchevêtrés, poncifs devant le sapin illuminé d'un salon respectable, ils veulent des femmes pour entrer dans le rang de la supercherie. Quelques pages avant, Post-Gravida est un poème adressé au père. Je suis là pour voir si tu es là dans les cieux. Si tu me vois depuis le temps que je ne te vois pas, si tu as vu quelque chose ici-bas, d'en haut, dans ton esprit conservé, tu voulais que je sois chanteuse d'opéra et j'essaye de trouver une façon de chanter, une façon de me rapprocher du ciel comme les anges que tu collectionnais, anges de biscuits accrochés partout dans ta dernière demeure, boulevard Edgar Quinet, pas loin de chez Jean-Pierre Léo, avec qui je passais des moments silencieux, assis tous les deux sur un banc tandis qu'il me fixait après le lycée. Mais tu étais mort 2 ans avant et personne n'a vraiment su pourquoi tu es mort, personne n'a voulu parler de toi. Ils t'ont supprimé aussi une fois mort pour leur sale besogne. Ou me revoir, tu voulais que je sois chanteuse d'opéra avec une ouverture d'esprit te permettant d'accepter que je veuille, moi, être esthéticienne à 14 ans ou que cela soit une provocation d'adolescente parisienne. Voici mon ambition en dehors des snobismes de mise. Je t'aiderai à ouvrir ton cabinet, disais-tu devant les tomes de Bossuet, l'oraison funèbre que tu lisais depuis des années. Ces gros livres du 19e étaient posés sur une simple table à tréteaux. Je me souviens de lui et d'Artaud dont le masque mortuaire te servait de presse-papier. Et puis ce masque m'a été remis à ta mort, j'avais 15 ans, que faire à 15 ans d'un masque mortuaire d'Antonin Artaud, quand on a peine à imaginer le corps mort de son propre père. Que faire des injonctions, des abandons? Tu voulais que je sois la gravida du château des Carpates, que mes enfants soient des châtelains. Privé de château, j'ai dû trouver un habitacle. À l'intérieur de ma pensée, je suis devenu encerclé par les livres et j'ai commencé à chanter, pensant que mon chant s'élèverait vers les cieux et finirait par te trouver, être entendu de toi, de là où tu es, pourrais-tu entendre un écho de ma voix ? Merci, merci Jacques Bonafé. Vous nous lisiez aujourd'hui des poèmes de Sandra Moussempès et Emily Dickinson.